Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Chaud devant, une série de Michel Pomarède, réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a les restaurants qui ne rouvrent pas, le manque de convivialité de la période et ce souvenir d'un plat de spaghettis aux tomates d'été, à l'origan et aux anchois frais. Alors pour commencer, les personnages, une cuisinière libre, une marraine attentive, un cuisinier formateur, une facilitatrice pour les seconds et une sommelière qui arrive. Ensuite, le décor, une carte de visite, du vin bouchonné, une joue de bœuf, une marinade, des stages, piques et d'arroses, une pépinière, des restes, un cahier, un kebab, un bouillon d'épluchures et des légumes coupés tout petits. Aujourd'hui, deuxième épisode, direction la cuisine. Chaud devant, Michel Pomarède, François Teste. Chloé Charles, une cuisinière nomade. Si on commençait par décrire la cuisine, puisqu'on est chez vous. Ma cuisine, bah, c'est un plan de travail qui fait, 60 cm. Une plaque de cuisson et un évier. Je l'aime bien, au moins l'avantage c'est qu'il y a tout à portée de main. J'ai un petit meuble à épices dans lequel je peux piocher plein de petites choses différentes que j'aime beaucoup. Mais va peut-être falloir que je m'en sépare, parce que quand j'aurai une petite fille qui va marcher par là, ça va être un peu le bazar. Mais c'est vrai que oui, non, je pense que j'ai une cuisine minuscule pour une cuisinière, mais j'arrive à faire plein de trucs dedans, donc c'est cool. Après, c'est un peu, comme on dit, c'est les coordonnées les plus mal chaussées. Hein. Puis à la maison, moi, je cuisine, mais je fais des trucs qui sont très simples, donc j'ai pas besoin d'avoir un espace gigantesque. Très simple, ça veut dire quoi? Très simple, c'est une bonne pâte, c'est des galettes complètes, c'est... des salades de tomates. À ce moment où on a des bons produits, ça sert pas. Enfin, c'est tellement facile finalement de faire une cuisine rapide et bonne que parfois je m'amuse un peu et je fais des plats qui sont plus longs en cuisson, mais ça reste simple. Même la joue de bœuf qu'on va cuisiner aujourd'hui, au final, c'est pas très compliqué. Ça nécessite pas un espace hyper grand, quoi. C'est juste que le temps de cuisson est long, mais à part ça, une fois qu'on a un four et des plaques, c'est bon, quoi. Salade d'avocat au baies roses, carpaccio de magret et copeaux de foie gras au poivre rose de Bourbon, chutney de tamarin à la tomate, salade de choux paumés au carvi, pistou aux myrtes citronnées. Sur votre Instagram, Chloé Charles, il y a 3 lignes. La première, c'est « gourmande libre ». Ouais, j'aime bien, je trouve que ça me correspond assez bien, moi, la liberté, c'est un peu c'est la base, enfin, c'est aussi pour ça que je suis indépendante et que j'ai pas de restaurant, c'est parce que ça me permet de garder une liberté, d'avoir des journées qui se ressemblent jamais vraiment, et après, gourmande, c'est parce que ma vie est centrée sur le fait de manger, de cuisiner, et de découvrir des trucs, quoi, enfin, je vis un peu que pour ça, quoi, donc... D'ailleurs, j'étais gourmande avant de vouloir être cuisinière, donc je fais ce métier parce que j'aime manger, puis un jour j'ai réalisé que c'était un métier, mais et du coup je me suis lancé là-dedans, quoi. La deuxième ligne, c'est Gaulle volant. Gaulle volant, c'est parce que personne comprend vraiment ce que je fais, je suis un peu à tous les postes, je fais à la fois des dîners privés, à la fois du conseil, à la fois de l'événementiel... je vais donner des cours de cuisine à des enfants, je vais dans des cantines d'entreprise faire du conseil en réduction des déchets alimentaires. Après, je vais faire un dîner au ministère de la Culture hyper ultra quali, très guindé, plein dans la haute gastronomie. Je me laisse un peu porter par ce qu'on me propose, donc c'est chouette. Un goal volant au football, il sort de sa surface de réparation. Bah, c'est là aussi où, moi, je sors de ma zone de confort aussi parce qu'on me propose des projets. Souvent, je les accepte. Je regarde pas trop. Souvent, je suis pas trop au courant de ce qui va se passer en réalité parce que je fais plein de trucs en même temps. Et du coup, je me retrouve à le jour où ça arrive, je me retrouve à découvrir un peu comment ça va se passer. Et moi, j'aime bien aussi je me fais des auto-surprises, on va dire. Tous les jours, une nouvelle journée, quoi. Donc, la troisième, c'est cuisinière. Et cuisinière parce que j'ai passé un CAP cuisine pour devenir cuisinière et aujourd'hui je suis cuisinière, c'est la base de mon métier cuisinière. C'est le nom de mon métier quoi. C'est simple et c'est un mot que j'aime bien. La cuisinière, il y a des gens qui trouvent ça pas joli parce que ça fait un peu cuisinière, gazinière. Mais moi je vois pas pourquoi ça serait pas joli sachant que c'est le nom de mon métier quoi. Donc voilà. On la lance cette joue de bœuf, qu'elle a le temps de cuire quand même. La pauvre. Charlotte Mortier, vous êtes la marraine de Chloé Charles, est-ce que comme elle, vous vous définissez comme une gourmande libre ? Ça veut dire quoi pour vous ? De faire exactement comme j'ai envie de faire. Ne pas me bloquer dans ce que je vais déguster, manger, choisir, aller dans n'importe quel restaurant. J'aime bien le terme manger, contrairement à plein de gens. Racontez-moi les pérégrinations parisiennes avec Chloé à la recherche de bonnes tables ou de saveurs différentes. En fait, ça a commencé très très tôt, quand elle a commencé à exprimer son amour de la cuisine. À l'époque, ses parents n'étaient pas très, très, très chauds sur le sujet. Ils avaient très, très peur qu'elle s'arrête trop tôt. Et du coup, je cherchais par tous les moyens à l'encourager à faire de la cuisine, à faire à manger, à faire de la cuisine et tout ça. Donc ça prenait à peu près toutes les formes possibles. Et notamment avec elle, le samedi, quand elle sortait de l'école, j'allais la chercher où on se retrouvait quelque part. Elle devait avoir une petite dizaine d'années à l'époque et on découvrait les restaurants de son quartier. Ça pouvait être de l'italien, ça pouvait être de l'asiatique, ça pouvait être du bon français. Enfin, c'était un peu de tout, mais c'était pour qu'elle soit dans une ambiance de restauration et qu'elle voit comment ça se passait. Parce que c'est vrai qu'on n'emmène pas souvent des enfants à 10 ans dans un restaurant. Riz à la cardamone, agneau au cubeb, sauce pruneau et pomme au genièvre, couscous au safran. Vin chaud à la bagnane, gratin de pommes de terre au fenugrec. Pour la joue de bœuf, en fait, ce qui est important, c'est que ça marine depuis la veille, parce que ça va l'assaisonner. La viande va s'imbiber du vin. Donc là, je l'ai fait mariner depuis hier soir dans du vin rouge et du porto. Le porto, il est important parce qu'il va apporter du sucre et il va casser l'acidité du vin rouge. C'est quoi comme vin ? C'est quoi comme vin ? C'est une bouteille bouchonnée que j'avais. Du coup, plutôt que de ne pas les garder, Gaëlle est sommelière, Gaëlle, c'est ma femme, et elle est. On commande souvent quand même en direct à ses fournisseurs. Du coup, quand c'est une bouteille de vin comme ça, on ne va pas la renvoyer, c'est pas comme chez le caviste, donc du coup, on les garde. Et souvent, au bout d'un moment, je me retrouve avec plein de vin. Ce que j'adore avec ce plat, en fait, avec la joue de bœuf un peu façon bourguignonne comme ça, c'est que déjà c'est un plat qui est très cuisiné. Là, il y a quand même une sensibilité, il y a une manière d'assembler les produits et compagnie qui fait que, en fonction de ce que j'ai dans mon frigo, de ce que j'ai envie d'utiliser ou pas, la recette elle est tout le temps un peu différente, quoi, parce que aujourd'hui j'avais 4 champignons pas très jolis, j'ai aussi des courges et donc du coup je vais apporter le sucre comme ça, mais par exemple, j'ai jamais mis de courge dans ma garniture aromatique de bœuf bourguignon, et là, je vais en mettre parce que j'en ai. Donc, ce qui est génial avec, en cuisine, c'est de rechercher sans arrêt à corser les goûts. On recherche le goût maximum tout le temps, le goût. On pourrait mettre cette joue de bœuf juste à bouillir dans son jus, mais il y aurait un truc qui manque. Là, ce qui va être intéressant, c'est de ramener des sucs. Et donc, du coup, on va la poêler et on va apporter la coloration qui va faire vraiment une croûte caramélisée. Ce qu'on appelle techniquement la réaction de Maillard, parce que la réaction de Maillard, c'est M. Maillard qui l'a découvert, et c'est le fait que les protéines caramélisent au contact de la chaleur, et du coup, derrière, fassent se développer tous les arômes directement dans la casserole. Donc du coup, on a ces joues. Et ce qui est très important, le deuxième truc qui est très important dans le bœuf bourguignon, c'est d'apporter la sucrosité du légume pour toujours balancer le vin et pas que ça soit ni trop tannique, ni trop acide. Donc, ici, j'ai les carottes qui vont me permettre d'apporter du sucre. Les champignons qui sont une garniture aromatique. L'oignon, ça contient du sucre aussi. Et là où je dis que je fais un peu n'importe quoi, c'est que j'ai fait une sauce barbecue aussi. Et là, ça va donner de la consistance à la sauce. Et ça va être super bon. Du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée de la rajouter dans cette version-là de l'ajout de bœuf. Mais c'est vraiment une option. François Pastot, en 2005, vous dirigiez l'Épi du Pain, un restaurant dans la rue du Pain, dans le 6e arrondissement, et arrive une jeune apprentie qui s'appelle Chloé Charles. Racontez-moi les souvenirs que vous avez gardés de son action, de son arrivée, de sa présence dans votre restaurant. Je regarde un souvenir d'une jeune femme qui était bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et on voyait que derrière elle, il y avait des parents qui la soutenaient et qui la poussaient en fait dans ce métier, parce qu'eux aussi, ils adoraient faire la cuisine chez eux, et ça faisait partie de leur culture. Il n'y avait pas beaucoup de femmes à l'époque dans la cuisine, de plus en plus. Et c'est vrai que ce que j'aimais beaucoup chez Chloé, c'est qu'elle était, elle avait toujours la soif d'apprendre et la soif du détail. Et elle adorait faire bien les choses, que ça soit bien, que ça soit goûteux, que ça soit généreux. Donc tout ça, je l'ai retrouvé après dans la cuisine que j'ai chez les autres. Moi, je faisais une cuisine assez simple, donc je lui ai appris les bases de la cuisine. Et aussi une cuisine plaisir, gourmande, savoureuse. Et je lui ai surtout appris aussi qu'on pouvait s'amuser en cuisine et avec des produits simples, en respectant le produit, sans gaspiller. Enfin, tout ce dont on parle aujourd'hui et qui est quelque chose de normal pour moi. Oui, le locavorisme, si on peut appeler ça comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire cuisiner des produits avec des producteurs très locaux, ne pas gâcher. Vous, ça fait une vingtaine d'années que vous pratiquez ça au quotidien. Eh bien, écoutez, j'avais ouvert mon restaurant en 95, donc effectivement, pendant 25 ans, j'ai fait ça. Et pour moi, c'était tout naturel. Alors, je suis parisien d'origine, et ce qui était important quand je me suis installé, c'était de montrer en fait à mes clients qu'on pouvait s'approvisionner localement, de saison, tout en étant dans une grande métropole comme Paris, parce qu'il y avait il y a toujours d'ailleurs des agriculteurs, des éleveurs autour de Paris, on oublie ça, mais souvent les Parisiens prennent l'autoroute. Ils se retrouvent tout de suite en Bretagne quelques heures après, sans s'apercevoir qu'ils ont traversé des champs, des élevages, voilà. Voilà, tiens, ça c'est des courgettes, ça c'est des endives, des très belles endives. C'est la base du métier, savoir bien acheter le bon produit de grande qualité, le payer au juste prix aussi. Il faut savoir acheter un produit et le payer au juste prix pour en fait permettre à tous ces acteurs, les femmes, les hommes, les agriculteurs en fait, qui travaillent durement pour nous offrir ces beaux produits, qui font partie du rayonnement de la gastronomie française, parce que c'est grâce à ces produits qu'on fait de la bonne cuisine. Et quand vous achetez un très très beau produit, eh ben vous pouvez l'optimiser jusqu'au bout, vous n'allez pas du tout avoir de gaspillage. Chloé Charles, aujourd'hui, quand elle travaille dans sa cuisine, quand elle prend une carotte, elle prend la carotte, elle garde les épluchures, elle garde les fans. C'est ça que vous lui avez appris, François Pastot ? Entre autres, oui, parce que j'avais un menu qui n'était vraiment pas cher à l'époque. Et la seule façon d'avoir une entreprise économiquement viable, c'était d'utiliser le produit jusqu'au bout, ce qui me permettait d'offrir un produit de très grande qualité, des assiettes bien troussées, goûteuses, savoureuses, tout en gagnant de l'argent aussi, pouvoir payer bien comme il fallait tous mes collaborateurs et avoir une entreprise qui puisse perdurer. Oh. quand il y a quand même pas mal de légumes. Je vais ajouter un oignon rouge. Donc ça, c'est des oignons, je les adore ces oignons, c'est des oignons copéa, c'est des oignons italiens qui peuvent presque, enfin, pas presque, qui se mangent crus. Ils sont hyper juteux. Et ici, après, on va choisir des épices, c'est ça que j'aime bien dans cette espèce de petit... Le petit truc à épices que j'ai là, c'est qu'en fait, je prends un peu les épices qui me plaisent. Des clous de girofle, du poivre. On va mettre un bâton de cannelle. On va mettre un peu de paprika fumé, parce que ça va apporter un peu de paprika fumé pimenté. Ça va pas être mauvais. Hop. En fait, c'est ça que j'aime bien dans la cuisine, c'est que c'est vraiment... hop, on trouve des trucs, on les lance dedans, et puis on... Ça a l'air simple comme ça. Bah, en fait, c'est assez simple, c'est juste qu'il faut pas se prendre... Il y a rien qui peut rater, on fait pas une opération à cœur ouvert, quoi. Donc, enfin, si, ça peut rater, mais au pire, ça rate, c'est pas non plus dramatique de rater, en fait, moi, je trouve. Hop. Et après, je vais juste ajouter un grand morceau de lard fumé. Il était dans mon frigo, donc du coup, je me dis que je peux le mettre. Et on va ajouter un peu d'eau. Jusqu'à hauteur. Hop. Et là. Hop. On va faire bouillir. On a fait la recette. Après, il faut qu'on ait du... Je ferai une petite garniture. Je sais pas avec quoi on va manger ça, mais ça va être bon. Je peux faire une petite purée de potimarron, si vous voulez. Si, ça peut être bien avec ça. Je suis Hélène Darroze, et aujourd'hui, je vais vous cuisiner une recette d'asperges blanches des Landes. Un jour, vous prononcez le mot de Hélène Darroze, et vous allez chez elle trouver un stage, c'est vrai ça? Bah en fait, j'habitais pas loin, et puis je trouvais ça chouette d'avoir une femme qui est chef, surtout à l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Il y avait Hélène Darroze, il y avait Anne-Sophie Pic, et il y avait Reine Samut. Et comme j'habitais pas très loin d'Hélène Darroze, et qu'il fallait faire un stage en... J'avais fait un stage en troisième dans une chocolaterie, et du coup, je me suis retrouvé là-bas. Et je me suis trop éclatée, parce que je me suis retrouvé avec bah justement cet univers de cuisine et cet univers de camaraderie et compagnie qu'on aime tant, quoi. Je connaissais rien du tout, j'avais pas idée de comment est-ce que ça fonctionnait et compagnie. Je me souviens avoir décortiqué des langoustines et épluché des petits pois, et j'étais trop contente. Enfin, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça, donc après j'ai continué à faire des stages. Toutes les vacances scolaires, en fait, je partais faire des stages dans des restaurants. Du coup, je suis partie, il y a un resto qui s'appelle le Domaine du Roncemet. J'ai fait le Domaine du Roncemet, Pic, Darroze, et j'en ai fait un autre dont je me souviens plus. Enfin, c'était vraiment, j'allais passer des vacances là-bas, quoi. Franchement, j'adorais ça, quoi. Un tout petit peu de fleurs de sel, un petit filet d'huile d'olive, et on finit avec la sauce dans le fond du plat. Et on servira le restant dans une saucière. Je m'étais fixé comme objectif, en démarrant la cuisine, d'ouvrir un resto pour mes 30 ans. Finalement, j'ai créé une entreprise pour mes 30 ans. C'est pour moi, au début, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais en fait, pour moi, c'est quasiment pareil. Je pense que la cuisine, c'est un métier manuel, c'est un métier qui prend du temps à s'apprendre. Il faut répéter des gestes, il faut comprendre comment ça fonctionne, parce que c'est pas uniquement assembler des goûts, c'est aussi comprendre les réactions physiques, chimiques qui se passent quand on cuit quelque chose. Et ça, il faut du temps pour l'intégrer, en fait. Et donc, du coup, avoir un apprentissage pour ma part, qui a duré de mes 17 à mes 29 ans, je trouve ça important de prendre le temps, quoi. Chef un jour. J'espère faire la cuisine que je veux. Là, dans une ambiance que j'aime. C'est ça, en fait. Être un grand chef, on fout un petit peu, en fait. Ça veut dire quoi, être un grand chef, aussi? Être suivi médiatiquement, être... je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire grand-chose, je trouve. Moi, je préfère être peinard dans un environnement que j'aime, en faisant plaisir aux clients, et voilà. Juste ça. Les sorts médiatiques, tout ça... En même temps, vous êtes à fulgurance. Oui, mais ça, c'est pour un... C'est un tremplin, quoi. Parce qu'aujourd'hui, à presque 30 ans, en voulant être chef, avoir votre restaurant, vous pouvez échapper à la médiatisation. Non, échapper, je pense qu'on peut pas. Mais ne pas être sur-médiatisé. Commencer à faire des émissions de télé-réalité, des trucs, des machins, des émissions Top Chef, tout ça. Enfin, j'aime bien, mais faut rater, quoi. On n'est pas des stars. Enfin, je veux dire, on est des artisans et on n'est pas non plus des... On fait juste plaisir aux gens en leur faisant de la bouffe, quoi. Enfin, c'est un truc... on va pas sur la lune, quoi. Donc voilà. Rebecca Salster, vous êtes la cofondatrice de Fulgurance. Exactement. Est-ce que vous pourriez me rappeler un peu comment se décline ce projet ? Oui, donc c'est une résidence de chefs. Donc l'idée, c'est d'accueillir des jeunes chefs en résidence pendant 3 à 5 mois avant qu'ils s'envolent de leurs propres ailes pour ouvrir leur affaire ou non. Mais en tout cas, l'idée de base était d'accueillir des secondes cuisines en devenir. Une sorte de pépinière pour les jeunes talents de la cuisine. Et les inviter ici pour qu'ils puissent tester un peu leur idée, leur concept, apprendre à gérer leur équipe aussi. Et cuisiner en fait pour la première fois en leur nom. De se trouver un peu leur identité, de réfléchir à ce qu'ils avaient envie de faire. Et nous, on les invite ici. On prend tous les risques pour eux. Parce qu'on sait à quel point c'est dur d'ouvrir un restaurant maintenant qu'on l'a fait. Donc là, ils ont vraiment 3 mois pour juste se concentrer sur leur cuisine en fait. Et de pas penser à tout le reste, à l'équipe, au RH, aux finances, tout ça. Comment se passe la sélection ? En fait, Fulgurance existe depuis 10 ans maintenant. Et on a commencé avec un événement qui s'appelle « Les seconds sont les premiers ». Donc on invite un jeune cuisinier, justement, en seconde cuisine, à faire un dîner pour la première fois en son nom. Les deux premiers résidents au moins, voire plus d'ailleurs, on les avait rencontrés justement quand ils étaient seconde cuisine et quand on les avait invités à faire un dîner des seconds avec nous. Depuis, ça fait 5 ans maintenant, on a pas mal de candidatures, ce qui est super. Et surtout, pour nous, le Graal, on a pas mal de chefs qui nous appellent en disant « j'ai un super second ». Ça y est, il est prêt, il a envie de partir, il a envie de faire quelque chose. Je pense que ce serait bien pour lui de venir chez vous. Et du coup, Chloé Charles était notre première chef résidente. À l'époque, elle venait de quitter Septime. Et justement, elle avait fait un dîner des seconds sur les premiers, quelques années auparavant. Et quand on a appris qu'elle allait partir, on la connaissait bien, on avait gardé des bons contacts avec elle, on lui a demandé d'être la première résidente. Donc c'était un gros saut pour elle, mine de rien, à la fois de s'exprimer en son nom pour la première fois et de lancer un nouveau projet qui n'existait pas à Paris. L'expérience chez Fulgurance en 2015, donc 6 mois comme chef. La première fois qu'on vous appelle chef, ça vous fait quoi ? C'était 8 mois. Alors déjà, on m'appelle pas chef. Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom. Enfin, je veux dire, tout le monde sait que je suis la chef. J'ai pas besoin de m'appeler chef pour qu'on sache que je suis la chef. Et ça enlève pas non plus le respect de la hiérarchie. J'ai pas besoin qu'on m'appelle chef. Et puis, j'ai pas travaillé avec des chefs non plus qui me demandaient de les appeler chef. Donc, ce nom-là, il est un peu révolu, finalement. En fait, ce qui était génial avec Chloé, c'est qu'elle elle a vraiment pris le projet à cœur. Et elle a travaillé avec nous en amont, avant l'ouverture, pour faire le design de la cuisine, pour tout mettre en place, en fait. Parce qu'elle croyait en projet, elle voulait s'y mettre à fond. Enfin, Chloé, c'est quelqu'un de très entier. Donc, elle est là ou elle n'est pas là. Mais quand elle est là... et puis, je me souviens, voilà, son idée pour son menu, c'était elle voulait servir les restes aux gens. Ok, Chloé, c'est un menu gastronomique à 8 étapes. Tu veux servir les restes, très bien. Et voilà, en fait, c'est parce que pour elle, c'était ça son engagement. C'était de ne pas nourrir les poubelles, son slogan aujourd'hui. Mais dès son premier menu chez Fulgurance, après chaque plat, il y avait un entre-plat fait avec ce qui allait partir à la poubelle. Et c'était génial. Et puis ça parlait aux gens, en fait. C'était une façon d'éduquer les gens, mais d'une manière assez ludique et forcément délicieuse. Et ça marchait bien. Et les gens adoraient la cuisine. Tous ceux qui ont travaillé avec elle, je pense que c'est la plus grande leçon qu'ils ont appris avec elle. C'est comment tout utiliser, ne rien gaspiller et d'en faire un jeu, en fait. Ça, c'est Chloé. C'est tout devient un jeu, tout devient un challenge, et elle emporte les gens avec elle. Faut dire. La cuisine noble, où juste ça fait peur. La cuisine à l'huile, c'est même plus facile que dans la vapeur, au milieu de tes armes. Oh, quel bonheur! Vous l'aimez comment la cuisine? Vous l'aimez comment? Comment? Vous l'aimez comment la cuisine, ma chère cousine? Prenez-vous le temps, ma cousine, d'en goûter de temps en temps. Ce serait bon pour votre petite ruine et pour les gens. Mais évidemment. C'est tous mes cahiers de recettes d'apprenti. Donc il y a des trucs un peu et les dressages de quand j'étais à l'épi du pain qui sont dessinés. C'est assez ridicule. Enfin, c'est pas ridicule, mais c'est rigolo, quoi. Le paleron, les ailerons de poulet qui sont EM, c'est-à-dire entrée du marché. Il y a le sablé parmesan avec des couleurs différentes pour montrer les différents étages et comment c'est dressé. Après, il y a des notes sur des cours sur la poissonnerie. Donc, il y a des trucs taille 3, c'est la taille standard, sans huîtres dans un colis. Des petites notes comme une huître peut être remise à l'eau. Après, il y a des trucs genre 550 grammes de turbo brut égale 140 grammes net. La température du riz à sushi, 27 degrés, comme celle du poisson qui vient d'être pêché. Il y a des petites phrases comme ça. Presque de la poésie. C'est ça. Estragon du Mexique, goût menthe réglisse. Alliance, betterave, roquefort. C'est drôle. J'aime bien celui-là. Et Charlotte Mortier, sa gourmandise, comment vous la regardez aujourd'hui? Tout est tourné autour du plaisir de faire à manger, de travailler des beaux produits, de se faire plaisir. En fait, c'est ce qu'on voit quand on regarde Chloé, c'est qu'elle est dans le plaisir en permanence. Je l'ai rarement vue, sauf quand elle avait des gros soucis, mais qu'elle arrivait à évacuer avec son dynamisme. Je l'ai rarement vue avec autre chose qu'un sourire dans les yeux, lié à sa gourmandise pour beaucoup de choses, en plus de la nourriture. Manger, vous dites, j'aime beaucoup le verbe manger. Est-ce que vous l'avez vu manger Ah oui, c'est une glouton. Je pense que l'origine du mot glouton, ça vient de là, ça lui va bien. Elle mange goulûment. Elle se rince les doigts, elle sauce, elle peut lécher son assiette. Moi, je fais pareil. Et c'est vraiment le plaisir en permanence pour tout ce qu'elle fait. En quoi sa cuisine lui ressemble et comment est-ce qu'elle a évolué? Elle lui ressemble parce qu'elle est très généreuse et elle met beaucoup de choses dans les plats. Et quand elle fait des menus, elle propose énormément de plats différents. Donc c'est toujours très très copieux. Je trouve qu'elle est très différente lorsqu'elle fait des plats que quand elle travaille dans un restaurant et qu'elle travaille avec un chef. Et c'est complètement différent. Quand elle travaille avec un chef, je dirais qu'elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus dans le dressage de l'assiette, avec un équilibre différent que quand c'est elle qui fait la cuisine, où c'est plus dans je t'offre beaucoup de mets, je te propose beaucoup de choses, je veux que tu sois peut-être même repu. C'est plus dans la générosité quand c'est elle qui fait sa cuisine. Charles, juste avant Fulgurance, en 2015, vous intervenez dans un kebab. Un kebab, c'est la gastronomie? Ouais, je pense que le kebab, c'est de la gastronomie. Enfin, la gastronomie, c'est hyper large, mais si on met, on peut mettre autant d'applications à, à faire un kebab qu'à faire une cuisine très très fine. Pourquoi est-ce que la gastronomie, ça serait que servir du caviar, du homard, de la truffe et des produits très nobles? Un kebab, en fait, c'est pas si simple que ça. Et puis on en revient encore au fait du geste qu'on répète. Et en fait, on se rend compte que faire un très bon kebab, c'est relativement facile. Mais faire 1000 très bons kebabs, toujours de la même qualité, et toujours avec la même quantité de sauce, le pain qui est tout le temps bien levé, la viande tout le temps bien marinée, le ketchup toujours bien relevé et compagnie, en fait, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que vous avez apporté exactement à ce restaurant de kebab? Bah déjà, j'ai mis au point des recettes. Et c'est ça d'ailleurs qui était assez intéressant, c'est que mettre au point des recettes, c'est bien, mais si je suis la seule à pouvoir les réaliser avec le niveau que j'ai, bah, ça sert pas à grand-chose, parce que je travaillais avec des gens qui avaient un niveau qui était inférieur au mien. Ensuite, il faut avoir le bon assaisonnement et réussir à transmettre ce truc-là. Ce que je trouve génial avec la cuisine, c'est qu'on peut passer de un jour où on va mettre en place un kebab de bonne qualité, où on va faire du pain, où on va faire des frites. Faire une bonne frite, c'est tellement compliqué. C'est hyper compliqué de faire une bonne frite. On a galéré avec nos frites. Et moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'à la fois, je m'interroge et je me pose des questions sur des frites, mais aussi sur comment faire la plus merveilleuse bisque de homard et comment griller un homard merveilleusement bien. Et du coup, c'est aller de l'un à l'autre. Pour moi, c'est pas spécialement plus intéressant de cuisiner du homard que de faire des frites. C'est juste deux choses qui sont complètement différentes, en fait. Tablier blanc avec les lettres là, Chloé Charles, à portée de main. Avec mon logo? Ouais. C'est une veste, mais oui, j'en ai une. Vous avez engagé un typographe ou un artiste pour travailler ce que vous appelez le logo? Ouais, donc ça, c'est ce que j'appelle mon logo, parce qu'en fait, quand j'ai monté mon entreprise, en fait, les gens me contactaient pour mon nom parce que j'avais fait Fulgurance, et ils voulaient... Je savais que d'un point de vue... commercial, les gens me contactaient, enfin, cherchaient Chloé Charles. Donc, du coup, je me suis dit que c'est plutôt ce que j'ai jamais voulu faire, à savoir que finalement, mon entreprise allait s'appeler par mon nom et mon prénom. Et du coup, j'ai demandé à l'agence DD, qui est en fait une agence tenue par un copain et qui s'occupe justement de chartes graphiques et compagnie, d'avoir un logo, parce qu'il m'en fallait un, pour avoir une identité visuelle. Et en fait, ce que j'ai aimé avec ce logo, c'est que au premier abord, ça ressemble vraiment à un logo. Et en fait, si on se penche dessus, on le lit, en fait. On lit Chloé Charles. Ça fait un petit peu Jacques Tati, on dirait un peu un univers un peu cinématographique. Et du coup, je trouve que ça fait un petit peu moins mégalo que d'avoir un Chloé Charles point hyper stylisé ou je sais pas trop quoi. Ça a jamais vraiment été mon but de m'appeler comme ça, quoi. Si j'avais eu un restaurant, je sais pas comment je l'aurais appelé, mais okay. Mais en tout cas, je l'aurais jamais appelé comme ça. Chloé Charles, elle a fait établir un logo, elle a une entreprise. Est-ce que Chloé Charles, c'est une marque? Oui, ça peut être une marque comme voilà, Pierre Armé, c'est une marque à l'arrière parce qu'il a des magasins à son nom, Philippe Conticini aussi. On peut considérer ça une marque parce que elle a décidé d'aller se battre dans les restaurants collectifs ou dans d'autres types de restauration pour leur apprendre à moins gaspiller, à faire de la cuisine goûteuse, plaisir, éco-responsable. Elle a sa patte, elle fait partie des premières qui vont essayer de faire évoluer toute la restauration collective et toute la restauration traditionnelle aussi. Est-ce que Chloé Charles, c'est une marque? Je sais pas, Non, j'ai pas envie que ça soit une marque, j'ai envie que ça soit moi, j'ai envie que ça soit ma personnalité. Enfin, en plus, je suis toute seule dans mon entreprise, donc j'ai envie qu'il y ait de l'humain, je travaille avec des êtres humains, je suis un être humain, j'ai pas envie que ça devienne ce que je prône justement, c'est quand même les relations humaines, quoi. Enfin, j'y suis hyper attachée dans le choix des gens avec qui je travaille, avec mes clients, je suis là tout le temps. Ouais, pour l'instant, je suis bien avec ma petite entreprise toute seule où du coup, je parle en direct avec tous mes clients, quoi. Mais est-ce que la petite entreprise connaît la crise en ce moment ? Bah oui, oui, elle connaît la crise, surtout dans le secteur de l'événementiel. Le secteur de l'événementiel, il est particulièrement touché. Après, je pense que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde. J'ai la chance d'avoir mis avant ça un peu de sous de côté qui était prévu pour un autre projet. Pour l'instant, je creuse un peu ma trésorerie, mais oui, on est forcément tous touchés. Après, je me rassure en me disant que c'est pas une erreur de mon fait, une erreur de stratégie, un client que j'ai perdu parce que j'ai mal travaillé. On est tous touchés par cette crise et finalement, personne n'est responsable à part peut-être celui qui a mangé ce foutu pangolin. Vous avez engagé, Chloé Charles, une agence pour travailler le logo. Est-ce que vous avez engagé une agence aussi pour le site ? Parce que je lis donc sous le titre « Engagé, lutter contre le gaspillage, rendre la cuisine accessible à tous, transmettre un savoir, respecter la terre et les hommes, éveiller les consciences ». C'est un peu programme électoral. Ouais, c'est pas faux, j'avais pas vu comme ça. Non, c'est moi qui ai fait mon site. Je suis quand même très engagé, donc... On a tous un impact sur cette société et c'est hyper important pour moi de pas juste faire à manger à des gens et sans me soucier de l'impact que je peux avoir sur la société. Et j'ai toujours eu envie de faire passer un message à travers ma cuisine. Je pense qu'on peut vraiment changer le monde, tous à notre échelle, avec ces plein de petits trucs mis bout à bout qui font qu'on fait évoluer la société dans le bon sens. François Pastot, 15 ans après avoir été apprenti chez vous, donc à l'Épi du Pain, Chloé Charles, elle est chef privée. Elle n'a pas ouvert son propre lieu. Comment vous regardez sa trajectoire ? Enfin, moi, j'admire son choix parce que c'est pas un choix facile, se dire je me lance toute seule, je vais aller donner des conseils, je vais plus avoir les deux services de restaurant. Mais quelque part, je la comprends tout à fait. C'est un métier quand même hyper dur, la cuisine. C'est vrai qu'il y a deux services, vous travaillez tout le temps quand les autres se reposent. C'est un métier assez stressant. Et quand vous le faites comme je l'ai fait, vous levez à 3h ou 4h du matin, vous allez faire vos courses, après vous rentrez, vous faites la cuisine, vous vous reposez un tout petit peu l'après-midi, si vous avez le temps, et vous reprenez le soir. Chloé Charles, mais comme beaucoup de jeunes à l'heure actuelle, ils ont envie de faire ce métier différemment, c'est-à-dire de faire ce métier d'une façon avec encore plus de plaisir que je ne l'ai fait. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir du temps pour eux à côté aussi. Pour justement pouvoir s'aérer la tête. Et ça qui est important, c'est de pouvoir aussi de sortir de sa cuisine, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, de pouvoir rencontrer des personnes, de pouvoir aller voir même les agriculteurs, si on a envie, aller au-devant des produits aussi. Tout ça, quand vous êtes vraiment enfermé dans votre cuisine, c'est compliqué parce que vous manquez de temps. Et en plus, je pense qu'elle s'est dit « j'ai quelque chose à transmettre d'important ». Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. J'ai souvent dit ça, en fait, à mes équipes. Moi, j'aurais dit, quand je suis dans ma cuisine, je vous transmets à vous des choses, mais aussi je veux en transmettre aux consommateurs, aux clients, c'est-à-dire leur donner des clés pour que eux aussi ils puissent faire une cuisine, ce qu'on appelle éco-responsable, chez eux. Comment vous arrivez à être un peu partout ? Au Refugee Food Festival, vous y êtes ? École comestible, donc donner des cours à des élèves du 11e, vous y êtes. Restaurant, les soignants, vous y êtes. On dirait que vous cochez toutes les bonnes cases. Comment vous faites ? Une action solidaire en appelle une autre. Quand on me contacte, on sait que je suis ouverte à ce genre de proposition. Alors qu'il y a pas mal de chefs qui, au bout d'un moment, après plein de refus, on n'essaye plus trop. Ou alors ils essayent, mais de toute façon, c'est refusé, donc on n'est pas au courant. Enfin, à chaque fois que je fais un projet comme celui-là, en fait, moi, ça m'ouvre. Je rencontre d'autres gens, je rencontre d'autres manières de travailler, je me retrouve d'un coup à partager des expériences avec des gens qui fonctionnent pas forcément de la même manière que moi. Donc parfois je me dis que c'est pas la manière dont j'ai envie de fonctionner et que ça me convient pas, et puis parfois je me dis ah ouais, mais ça c'est pas bête, et ça me permet de m'inspirer quand même d'autres personnes. Donc de toute façon je trouve que c'est hyper important de s'ouvrir l'esprit. Quand je travaille avec le Refugee Food Festival et que je fais un repas avec Aïssam qui est syrien et qui me fait découvrir le boulgour qui est réhydraté raté dans le yaourt et qui fait un super moyen de démarrer le repas avec un truc auquel j'aurais jamais pensé. J'aurais jamais pensé que le boulgour pouvait être simplement réhydraté dans du yaourt et mangé cru, du coup pas pré-cuit auparavant. Ça, je l'aurais jamais découvert toute seule, par exemple. L'école comestible, ça fait très très longtemps qu'on en parle. Ça consiste en quoi exactement, l'école comestible ? L'école comestible, bah, je trouve que le slogan, entre guillemets, résume très bien la situation. C'est changer le monde en éduquant au goût. Et donc, du coup, c'est expliquer dès la petite section de maternelle comment pousse un légume, quelles sont les saisons, quels sont les goûts primaires, le salé, le sucré, l'amer, l'acide, comment est-ce qu'on fait du miel, comment est-ce qu'un poisson est pêché, comment est-ce qu'on fait vraiment des pâtes, parce qu'il y a plein d'enfants, si on leur dit mais les pâtes c'est quoi, mais même des adultes qui ne savent pas comment sont faites des pâtes alors qu'ils en consomment tous les jours. Si l'éducation est plus faite par les parents, ben, je pense qu'effectivement il faut que l'école prenne leur lait, parce que c'est hyper important en fait. Des bananes, des prunes. Voilà, du beau raisin. Regardez, monsieur, comment il est beau le raisin. Hein, c'est parfait, hein. Alors. Donc on entend votre couteau qui est en train de couper des topinambours. Oui. Pour en faire quoi ? On va faire une crème de topinambour. Une crème de topinambour et puis des petits topinambours caramélisés. Enfin... Si j'étais Chloé Charles, je dirais, mais qu'allez-vous faire des épluchures ? Et bah justement, on fait un bouillon avec. On fait un bouillon d'hachis au topinambour et aux champignons. Coucou. Oui, ça sent un peu la joue de bœuf. Ça sent fort, mais ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent fort. Ça sent jusqu'en bas. Ah ouais, ouais. Comme là, quand on est arrivé ici, on a fait avec Lila, on a organisé un dîner qui s'appelait Saucer n'est pas trompé. Et je sais plus pourquoi, mais j'avais pas de cuisine et j'avais emprunté une énorme casserole à fulgurance de 20 litres et j'avais fait des joues de bœuf au vin rouge. Et ça faisait genre deux ou trois mois qu'on était ici et du coup j'ai fait cuire des joues de bœuf au vin rouge pendant 12 heures. Mais j'ai fait cuire, je sais plus, genre 15 kilos de bœuf, de joues de bœuf. Du coup ça a sorti dans la cage d'escalier. Je me suis dit que tous les voisins allaient nous détester, mais en fait... En fait, après, on leur a dit, ah, on est désolé et tout pour l'odeur, ça sentait un peu fort. Et c'est, ah, non, mais c'était génial, on en veut plus, ça sentait trop bon. Donc, oui, non, c'est. En fait, ça va. En fait, on a des voisins cool, qui sont plutôt contents. T'as ramené une bouteille de vin, du coup ? Ouais. T'as ramené quoi ? Jouve. Je le connais pas ? 100% Malbec. Jouve, c'est celui qui fait, tu viens plus aux soirées. Ok. Tu connais ? Oui. Cool. Gaëlle Bardou, oui. Si Chloé Charles, votre épouse, était un vin, ce serait quoi comme vin ? Ce serait un pinot noir, parce qu'elle adore le pinot noir, et d'Alsace, ou du Jura. Ce serait soit un blanc du Jura, soit un pinot noir d'Alsace. C'est les deux qui ont du caractère, mais qui sont des gens doux et, je sais pas, appétits en même temps. Ça te va ? Ça me va. Je valide. Vous aussi, du coup, vous cuisinez, Gaëlle ? Non, moi, je cuisine quasiment jamais. Non. J'ai cuisiné le chili con carne de ma grand-mère, les riz de veau, je suis douée, parce que j'adore ça. Et je suis meilleure en pâtisserie que Chloé, je pense. Mais en fait, quand on a une chef à la maison, on cuisine jamais. On se fait toujours servir. Je fais les vins. Chacun son boulot. Fait les vins et fait des jolies tables aussi. Je Rebecca Salster, vous êtes la cofondatrice de Fulgurance. Une question de genre, pour être un peu dans le mouvement actuel. La proportion des jeunes femmes qui veulent devenir chef, est-ce que vous la sentez, vous la regardez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'elles apportent de plus? Voilà. Dès qu'on travaille avec une femme chef, tout le monde nous dit « Ah, c'est super, vous avez une femme en cuisine !» On dit « Non, on a un cuisinier en cuisine, il se trouve que c'est une femme, on n'a même pas fait gaffe !» Et avoir choisi Chloé, avoir commencé avec une femme, c'était pas du tout pour faire de la com, pour faire du bruit, pour faire un statement. C'était parce que c'était quelqu'un de très talentueux avec qui on avait envie de travailler. C'est pas un sujet, en fait. Le sujet, c'est quand même pas qu'avant, les brigades étaient majoritairement, ultra majoritairement masculines. C'était le cas, mais pareil, on a Laure qui est ici avec nous, notre ancienne chef de parti qui vient de partir. C'était, à un moment, il y avait 4 femmes en cuisine. Au point où je me suis dit, oula, faut qu'on mette un homme là, parce que ça va pas du tout. Mais oui, non, c'était le cas auparavant, mais ça change énormément. Et aujourd'hui. Il y a énormément de femmes en cuisine, je trouve. En tout cas, moi, côté restauratrice, on a recruté énormément de femmes, que ce soit des résidents ou des chefs de partie ou des seconds, des stagiaires, des alternants en salle, en cuisine, au vin. Il y a énormément de femmes dans ce métier, c'est sûr. Une question quand même, Gaëlle, Chloé, sur la place des femmes aujourd'hui en cuisine. Vous êtes sommelière, donc j'imagine que vous intervenez aussi beaucoup dans des restaurants. Pour faire leur carte. Vous êtes chef. Est-ce que vous êtes une nouvelle génération ou est-ce que c'est banal, des femmes en cuisine, des femmes sommelières? Moi, je pense que dans tous les métiers, c'est encore compliqué d'être une femme, mais ça l'est de moins en moins, et qu'on nous laisse de plus en plus de place. Il y a de plus en plus de chefs qui sont intelligents, bienveillants, pour nous laisser autant de place qu'à un homme. Et c'est vrai que j'ai été formée quasiment que par des chefs qui m'ont laissé apprendre mon métier sans faire attention à mon genre. Et je pense que c'est une tendance qui est de plus en plus forte aujourd'hui et qu'il faut qu'on aille de plus en plus vers cette tendance-là, qui est de pas forcément voir le genre. Après. Pas de réflexion sexiste, pas de main aux fesses, pas ce genre de comportement dans votre parcours? Non. Ni l'autre, mais. Ni l'une ni l'autre. De toute façon, des problèmes de sexisme, il y en a dans tous les métiers, il y en a partout. Après, je pense que l'une comme l'autre, on a toujours fait la démonstration par l'exemple. Et en fait, quand on travaille aussi bien que des hommes et qu'on est aussi forte qu'eux, finalement, il n'y a pas de raison de contester le fait qu'on soit gendrée femme, quoi. Genrée. En fait, je crois que j'ai la chance d'avoir été élevée dans une famille où le genre n'était même pas une question qu'on abordait. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on n'en fait pas un sujet soi-même, où on ne demande pas l'approbation, où en fait, enfin, après, c'est aussi une histoire de caractère. Moi, j'ai toujours foncé, tête baissée, et c'est même François Pasteau qui m'a dit « Non, mais tu montreras que tu es plus intelligente si tu es capable de demander de l'aide que si tu descends 25 kilos de farine juste pour montrer que tu es capable de le faire. » En fait, on sait que tu es capable de le faire, mais le problème, c'est est-ce que tu peux durer longtemps comme ça à te casser le dos dans un escalier et donc, du coup, c'est la seule remarque qui m'est faite, c'est que, et c'est pas un tort, mais c'est que finalement, la seule différence qu'il y a entre une femme et un homme, c'est qu'effectivement, on est peut-être moins forte physiquement. Mais en soi, on est tout aussi capable. Enfin, comment dire, si quelqu'un était sexiste avec moi, je pense que était sexiste ou m'avait mis une main aux fesses ou quoi que ce soit, je serais parti directement pour inciter vraiment tous les jeunes aujourd'hui à le faire et surtout passer le message qui est hyper important que en fait on se fait pas griller dans ce métier parce qu'il y a une espèce de vieille légende qui dit que si jamais on s'en va parce qu'on a dénoncé une main aux fesses et compagnie, on va se faire griller dans ce milieu. Mais en réalité. Se faire griller, ça va être uniquement avec les amis restaurateurs de ce chef-là qui n'a pas été correct. Et donc du coup, on n'a pas non plus envie d'aller travailler chez ses copains, quoi. Chloé Charles, pendant le confinement, donc vous avez beaucoup... cuisiner pour votre femme, pour vous, pour les voisins. Est-ce qu'à un moment, vous en avez eu marre de votre cuisine? Et si oui, est-ce que vous avez eu marre, je sais pas, d'une texture, d'une ligne que vous retrouvez, que vous connaissez? C'était quoi? Ouais, j'en ai eu marre de ma cuisine à un moment parce que déjà ma cuisine je la mange pas pendant 2 mois d'affilée matin, midi et soir parce que je vais régulièrement manger ailleurs et compagnie. Après, ce qui m'a dérangé, c'est de retrouver le même style tout le temps et la trame de fond. En fait, je me suis rendu compte que en gros c'était un légume coupé plutôt assez petit finalement, revenu assez caramélisé. Avec quelque chose d'assez salé, ça peut être un anchois, une olive, un lardon, quelque chose comme ça. Déglacé avec du vinaigre et dans lequel on met en gros une herbe ou un légume cru. Derrière, on fait des pâtes, on fait du riz, on le mange tel quel comme ça, mais en gros c'est à peu près ça. Et c'est très bon, hein. Si je me fais à manger pour moi, c'est quand même pour me faire plaisir, donc je vais pas cuisiner quelque chose que j'aime pas. Mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte, et je pense Gaëlle aussi, de la nécessité d'aller au restaurant et de manger d'autres styles de cuisine, de s'inspirer, puis aussi de manger une cuisine qu'on n'a pas l'habitude de préparer. Je pense qu'il y a un style de fond. Mais comme je pense qu'il y a un style de fond chez des musiciens, chez des artistes, on retrouve un... Alors certes, la cuisine, moi, j'estime pas que ce soit de l'art, mais on retrouve toujours une trame de fond, ouais. Mais Chloé Charles, s'il y a une trame de fond dans votre cuisine, une trame narrative, c'est quoi l'histoire que ça raconte ? Ça raconte que j'aime bien la cuisine assez brute, avec beaucoup de goût. J'aime quand les ingrédients sont concentrés. C'est pour ça qu'il y a la caramélisation, mine de rien, les anchois, les olives. C'est des produits qui sont... avec le sel, ça concentre les goûts. Comme je concentre beaucoup les goûts, il faut que je fasse un apport de fraîcheur qui passe par les herbes, par les crudités. À la fois, c'est très gourmand et très concentré, et en même temps, il y a la fraîcheur et l'acidité qui vont dire genre « Oh, tais-toi un peu par là !» Et puis, donc c'est... Ouais, c'est ça. Maintenant que vous maîtrisez cette cuisine, la vôtre, est-ce que vous avez envie de la déconstruire par moment, complètement ? Je dirais pas de la déconstruire, mais j'ai envie de découvrir d'autres univers... qui m'intéresse et qui me manque, je trouve que la cuisine asiatique, la cuisine sud-américaine, la fermentation, je la maîtrise pas trop non plus, j'ai quelques notions, mais c'est vrai que ce qui est génial avec la cuisine, c'est qu'on a une ouverture sur le monde qui est formidable, et après il y a quand même des techniques qui sont toutes particulières à des pays comme ça, et ma sœur qui vit à Hong Kong, j'ai découvert tout l'univers des dim sum, des fruits de mer frits à l'ail, toutes les sauces qu'ils ont et compagnie. Moi, j'aimerais bien savoir faire cette cuisine-là. Et c'est surtout une connaissance des ingrédients et de comment les utiliser qui me manque, en fait, je pense, finalement. En fait, l'avantage d'être indépendante comme ça et dans la restauration, c'est que je sais que si jamais un jour il y a un souci, même mon entreprise fonctionne plus, j'ai plus assez de clients, il faut que je fasse quelque chose. En fait, j'ai du travail qui m'attend dehors en tant que salarié à l'appel. Donc c'est un parachute de dingue, en fait. C'est une vraie sécurité, tout ça. Hop, un petit potimarron. Avec du jus de joue de bœuf. Ça vous va ? Chloé Charles, une cuisinière nomade, avec Gaëlle Bardou, Charlotte Mortier, Rebecca Astalter, responsable du projet Fulgurance, Sylvain Parizeau et François Pastot, ancien chef du restaurant L'Épi du Pain. La série documentaire, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien, ou pour nous écouter en épluchant vos carottes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast. Sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, un restaurant familial. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.